Chapitre 9. Sur la plateforme, devant l'entrée du garage de Zoku, stationnait un veston rond comme un œuf, d'un bleu électrique, et Agile Go était peint sur l'arrière de la coque en lettres d'or. L'engin était du même gabarit que le vaisseau NL2BR, mais plus moderne. Quand Zélé avait pénétré l'appareil crashé, même en sachant que le choc avait causé bien des dégâts, elle s'imaginait sans peine à quoi devait ressembler le vaisseau dans son état normal, et elle n'aurait jamais voulu voler dedans. Celui de Zoku était un autre standing. Son extérieur, tout comme son intérieur, donnait une impression de qualité. Et Zélé n'avait pas l'impression que l'appareil tomberait en panne en plein milieu du trajet, les laissant partir à la dérive dans l'espace intersidéral. Ils trouvèrent Zoku occupé à charger des paquets et des sacs. Sans plus attendre, Zoku et la princesse prirent place sur les deux sièges du cockpit, tandis qu'Ormain s'installa dans l'un des fauteuils passagers qui garnissait l'espace arrière. Et Zélé dut venir l'aider à fixer son harnais. Zoku brancha sa visière au tableau de bord, à l'aide d'un fil, ce qui sidéra Zélé. Tout le monde se connectait à l'intelligence artificielle de bord avec son implant. Ne pouvait-il pas agir normalement pour une fois? Et les données qu'il transférait défilèrent subrepticement sur le matériau jaune transparent. Princesse Zélé, Ormain, l'itinéraire est réglé. Nous allons d'abord nous rendre à la gare de décollage des navettes au spatioport pour quitter l'atmosphère. Nous utiliserons le trajet... Zoku, non. Nous devons partir discrètement. Rends-toi dans le désert pour décoller. Princesse Zélé, que nous partions de la gare ou du désert ne changera rien. Nous ne serons pas plus remarqués dans le cas que dans l'autre. En revanche, il est risqué d'effectuer l'ascension sans le guidage qu'offre la tour de contrôle. Je ne suis pas un excellent pilote. Je ne peux effectuer un décollage sans aide, et avec un tel trafic en orbite. Ce vaisseau a beau permettre les voyages intersidéraux, je ne l'utilise que pour me déplacer sur Ubléas. Lui répondit Zoku. Les dires de Zoku n'eurent pas pour effet de rassurer Zélé et Ormain, qui jusque-là étaient très confiants en ce qui concernait les capacités du pilote. Ormain se contentait de faire confiance au choix de Zélé, il n'avait aucune raison de se méfier. Et comme il avait réussi à arriver sur la planète Ruby sans trop de dégâts, il ne pouvait s'imaginer que piloter requierait de grandes capacités. Au contraire, il pensait que cela était à la portée du premier venu. Alors comment pouvait-il, un instant, se figurer qu'un être aussi intelligent que Zoku ne pût être à la hauteur? La princesse n'était pas meilleure pilote que Zoku, même si elle ne l'aurait admis sous aucun prétexte. Mais jamais elle n'avait pensé qu'il pût avoir besoin d'aide pour manœuvrer. À mieux y réfléchir, tout cela était cohérent. Elle savait qu'il ne sortait jamais de chez lui, et que, tout comme elle, un exo-voyage était une première. Toutefois, il avait le mérite de connaître son vaisseau mieux que quiconque, et comme il était le seul Upléen qu'elle connût qui pût leur fournir un moyen de locomotion, le débat n'avait pas lieu d'être. À la gare d'ascension dans le désert, à l'est de Zélaïdo, l'Agilgo entama la procédure de décollage, suivant l'angle bien précis que la tour de contrôle venait de transmettre à Zoku sur son implant. Il n'avait d'autre choix que de se conformer aux usages technologiques contemporains lors d'échanges avec le monde extérieur. Et pendant qu'il sauvegardait les données réceptionnées dans la mémoire de sa visière, Zélé ne résista pas à l'envie de le taquiner, tant que son implant était réceptif, en lui adressant un message moqueur. Dans le ciel vert upléen, s'élevait un œuf bleu à la coque étincelante, sur laquelle se reflétaient celles des autres vaisseaux qui effectuaient la même ascension. Le sol s'éloignait petit à petit, bientôt ils eurent une vue d'ensemble de la forteresse qu'était la capitale, confortablement nichée dans son cratère, bien abrité de l'invasion du sable par les remparts de roches. La colline du centre où se trouvait le temple devint un cercle sans relief. Puis un petit point minuscule dans le désert. Et d'autres points s'ajoutèrent au paysage. La capitale tout entière, le palais royal, le cratère vert, les villes environnantes, tout le pôle nord. Puis Upléas ne devint plus qu'une surface orange plane, gigantesque, s'incurvant au fur et à mesure que l'Agile Go gagnait l'orbite de la planète. Princesse Zélé, Ormain, décollage réussi. Zoku était de toute évidence content de lui et soulagé. Les manœuvres qui l'attendaient pour quitter l'orbite planétaire et se mettre en route pour la planète Émeraude ne lui demandaient pas beaucoup plus de dextérité que ses parcours au sol. Après avoir détaché son harnais de sécurité, Zélé s'éleva doucement dans les airs et alla à la rencontre d'Ormain. Eh bien voilà, nous allons sur Nikéas, Ormain. Pas de marche arrière possible. J'ai la tête qui tourne, ça commence. Ça fait comme sur le NL2BR, oui. C'est cette impression de vide, de perte de repères, lui demanda Zélé. Oui, comment sais-tu? Les êtres nifiens ont un sens aiguisé de l'orientation, nous ressentons le champ magnétique. Dans l'espace, il n'existe plus. Heureusement, tout comme nous avons un compensateur d'apesanteur, nous avons aussi un compensateur de champ magnétique. Zélé flotta jusqu'au panneau de commande près du sas, d'entrée du vaisseau, pour ajuster les différents compensateurs et revint auprès d'Ormaïn en marchant sur ses pieds. Soumise à une pesanteur normale, elle le libéra alors de son harnais. Combien de temps va durer le voyage? Demanda Ormaïn. La princesse ne s'était pas posé la question jusque-là et interrogea le pilote. Princesse Zélé, 5 jours de mémoire. Je ne me rappelle pas le nombre exact d'heures et minutes. Je vais vous dire cela tout de suite. Zoku, 5 jours? Comment est-ce possible? C'est le temps qu'il a fallu à Ormaïn pour venir à bord de sa casserole volante. Princesse Zélé, c'est aussi le temps que cela nous prendra. Mon vaisseau est plus rapide, certes, mais nous ne pouvons pas filer droit vers la planète Émeraude. Nous devons faire un détour pour éviter d'attirer l'attention. Zoku, qu'allons-nous faire pendant 5 jours à bord? Princesse Zélé, nous n'aurons besoin d'être actifs que le temps du détour. Dans 1,7 jours, nous prendrons la direction de la planète Émeraude, et l'IA se chargera des commandes. Zoku, tu as pris de quoi nous faire dormir? Avec un doigt nonchalant pointant par-dessus son épaule l'ouverture de la soute, Zoku indiqua à la princesse que les pilules sédatives se trouvaient dans la poche d'une sacoche couleur granit, à bâbord, avec une pastille jaune collée sur le dessus. Comme il serait amené à s'ennuyer inutilement pendant 2 jours, Zélé tendit à Ormaïn autant de pilules sédatives qu'il aurait de jours à dormir, et également le même nombre de pilules alimentaires. Il se réveillerait ainsi, sans être affamé. Il protesta dans un premier temps, puis céda, admettant qu'il ne serait d'aucune utilité s'il restait éveillé. Ses paupières devinrent lourdes quelques secondes à peine après qu'il eut dégluti, et Zélé inclina le dossier du fauteuil. Elle s'abaissa pour déposer un baiser sur son front, mais elle surprit le regard de Zoku sur eux et interrompit son mouvement. En silence, la princesse regagna sa place aux côtés du pilote. Pourquoi Zélé n'avait-elle pas osé embrasser Ormaïn devant un témoin? Elle s'était sentie coupable de vouloir Ormaïn pour elle et alors qu'il était marié, mais elle sentait que sa gêne ne venait pas de là. L'idée que rien n'aurait pu les empêcher d'être ensemble s'ils avaient été célibataires l'avait effleurée. Mais n'était-ce pas elle qui n'était pas célibataire? Il se pourrait qu'il ne retrouvasse jamais son épouse et Ormaïn serait libre, alors que Zélé, de son côté, avait un fiancé bien vivant. Même si rien n'avait été officialisé, la reine avait choisi le futur roi et Zélé n'avait jamais émis la moindre objection. Pourrait-elle être en mesure de faire machine arrière? L'héritière ne s'était jamais vraiment souciée de son avenir marital, car cela lui avait toujours paru secondaire. Son mariage n'était rien d'autre qu'une étape de plus dans sa vie de reine. Elle avait besoin d'un époux pour engendrer une héritière et d'un roi qui ne prendrait sans aucun prétexte part à son règne. Que pensait Zoku de tout cela? Cela lui convenait-il de devenir roi? D'épouser l'héritière pour obéir à son père. N'avait-il jamais rêvé de se marier par amour? Il n'était pas dans la position de Zélé, c'était un luxe qu'il pouvait se permettre. Et à partir du moment où Zeninouma l'avait désigné, il ne pouvait refuser, personne ne rejetait une demande de la reine. Même pas sa fille. Zélé savait cela parce que son père, le roi Idlé, avait été dans la même situation. Zeninouma l'avait demandé en mariage peu de temps après leur rencontre, alors qu'elle était pressée de trouver un époux avant d'être couronnée. La future reine l'avait demandé en mariage, un refus était inconcevable. Cela dit, il s'agissait d'un quelconque citoyen. Un mâle qui plus est, le simple fait de sortir de l'anonymat, de passer le restant de ses jours au palais et de porter le titre, plus symbolique qu'autre chose, de roi, suffirait à motiver n'importe qui. Mais Zélé n'était pas une anonyme citoyenne, elle était l'héritière, autrement dit la future reine. Elle se trouvait dans la même situation que sa mère l'avait été quand elle avait choisi elle-même que Idlé serait son roi. Seulement Zenuma avait fait ce choix du fait que Zewalkoli ne lui avait désigné personne avant de mourir. En son fort intérieur, la princesse savait que sa mère aurait suivi l'avis de sa grand-mère sans tergiverser. Un soupir s'échappa de la bouche de Zélé. Elle venait de trouver sa réponse. Sa mère avait décidé, il y avait des années de cela, qu'elle et Zoku se marieraient. Il en serait donc ainsi. Peu importait la disponibilité d'Ormaïn, peu importait les sentiments de Zoku, et peu importait si elle avait une opinion différente. Elle jeta un coup d'œil derrière elle, observant Ormaïn sangler à son fauteuil, plongé dans un sommeil sans rêve, et elle se dit qu'elle n'avait aucune chance de le conquérir un jour. Tout ce temps passé dans l'oasis sans que rien ne se passât entre deux était un premier signe des révélateurs de son désintérêt, et il dépensait tant d'énergie à vouloir retrouver son épouse qu'il était évident que jamais il n'en aimerait une autre. Zélé pressa ses paupières et souhaita intensément que ce couple fût à nouveau réuni, qu'ils fussent reformés leur famille, car le bonheur d'Ormaïn était tout ce qu'elle désirait, et c'était là la seule forme qu'il prenait. Pour être en mesure de se rendre à la destination souhaitée, Zoku avait dû entrer manuellement les coordonnées spatiales de la planète, l'intelligence artificielle de bord refusant systématiquement et avec une grande obstination la sélection de Nikéas comme lieu d'atterrissage. Cette sécurité servait à empêcher les visites de mondes impropres à la vie, mais elle perdait toute utilité quand le pilote passait en mode manuel. Le vice de la sécurité n'allait pas jusqu'à vérifier la correspondance des coordonnées saisies. Si jamais une validation avait été nécessaire dans cette circonstance, Zoku serait parvenu, d'une façon ou d'une autre, à contourner ou pirater le système pour le laisser différencier ce qui était valide de ce qui ne l'était pas. En vérité, il fut déçu que l'intelligence artificielle ne protestât pas. Cela lui aurait donné un défi à relever pour occuper les heures interminables de leur détour. L'Agilgo était peu spacieux. C'était un vaisseau réservé au franchissement de courtes distances et non pour de longs voyages intersidéraux. Les mouvements permis une fois à bord étaient limités. Le cockpit contenait quatre fauteuils étudiés pour l'anatomie nifienne, offrant des rivages pour que le dossier et le siège épousassent parfaitement la forme du corps. Le dossier pouvait s'abaisser à l'horizontale pour devenir une petite couchette confortable. La soute à bagages était minuscule et ne permettait pas que l'on s'y introduisît à vide. Alors avec les sacs chargés, ce n'était même plus la peine de penser à y passer la tête. La seconde zone, située en arrière du cockpit, permettait le transport de biens plus imposants, ou d'animaux. Des sièges supplémentaires en strapontin étaient disponibles aux quatre coins de l'espace. Face au sas d'entrée, se situait un coin salle de bain, composé d'une douche et d'un lavabo. Zoku précisa qu'il était inutile d'essayer de se laver. Il n'avait pas ravitaillé le réservoir d'eau avant le départ. La princesse s'étala couche sur couche de baume protecteur et alla en appliquer également sur la peau d'Ormaïne. Finalement, le silence pesant qui régnait dans l'appareil finit par être chassé par les discussions de plus en plus soutenues que Zélé et Zoku échangeaient. La princesse avait tenté par tous les moyens de trouver un sujet pour les amener à se rapprocher un peu, et ce fut l'évocation de souvenirs d'enfance qui les réunit. Zoku était plus animé que jamais, riant aux éclats et racontant avec une foule de détails des épisodes que Zélé semblait avoir totalement oubliés. En plus d'eux deux, les souvenirs avaient en commun Mimisha. Elle n'avait pas été là que pour les garder, elle avait été en majorité à l'origine de leur jeu, apportant chaque jour des idées nouvelles qui les enthousiasmaient toujours autant. Pendant toute une période, elle leur avait appris les fêtes et cérémonies des différentes cultures humaines, les déguisant, maquillant, leur faisant réciter des textes qu'elle avait traduits en nupléen et leur expliquant leur sens, leur montrant des rituels. Mais ce qui les fit rire le plus, ce fut l'évocation de l'arrivée de Goba. Le Bolbolku avait semblé avoir jeté immédiatement son dévolu sur l'humaine et sur les drôles d'objets terrestres qu'elle apportait, tentant par tous les moyens de gober tous ceux qui pouvaient pénétrer son œsophage. Zoku, elle était même allée se plaindre à ma mère, en personne, pour que Goba ne vive plus au palais. Princesse Zélé, comment l'appelait-elle déjà? Zoku, ce gros lézard, et elle continue encore de l'appeler ainsi. Princesse Zélé, est-ce parce que Mimisha s'est plainte auprès de votre mère que Goba a cessé de vivre au palais? Zoku, non, du moins je ne crois pas. Il devenait encombrant dans le palais. Il faut dire que toutes les pièces ne sont pas adaptées à sa taille. Je crois que ce fut plus pour sa sécurité. Une fois adulte, il pouvait attraper davantage d'objets et j'ai eu peur qu'il ne finisse par s'étouffer. Princesse Zélé, de vos à moi, je crois que votre mère aurait été capable de faire vivre Goba au palais plus longtemps, ne serait-ce que pour empêcher Mimisha de penser qu'elle ait pu l'influencer. Cette remarque était impertinente et plus particulièrement sachant qu'elle venait d'être émise par Zoku, sans doute la personne la plus réservée que la princesse connût. Cependant, elle ne pouvait nier qu'il avait raison. Trop respectueuse, jamais elle ne se serait autorisée une telle pensée, mais maintenant qu'elle était formulée par son interlocuteur, Zélé savait que c'était la vérité. La reine se donnait un tel mal à tout contrôler et faire en sorte que tout fût décidé de son propre chef, des lois aux plus insignifiants détails. Zélé vit une ombre passer dans le regard de Zoku, était effrayée d'avoir commis un impair. Elle lui adressa sans plus attendre un regard réconfortant. Zoku, tu as raison. Pauvre nounou Misha. Si elle avait seulement su... Ils rirent encore une fois de bon cœur, et Zoku décida que leur détour avait assez duré, et qu'ils pouvaient désormais mettre le cap sur Nikéas. Pendant que le pilote s'occupait des derniers réglages, avant la phase de sommeil, Zélé repensait aux mots qu'elle venait de prononcer. Nounou Misha. À quand remontait la fois où elle l'avait appelée ainsi? Pendant son adolescence, elle s'était mise à l'appeler Misha, et désormais, elle l'appelait simplement par son nom. Toutes les fantaisies de l'enfance et tendresses familières avaient disparu. Cela manquait-il à Mimisha? Cette disparition de surnom n'avait-elle pas été le symbole de leur éloignement? Mais seule Zélé avait créé cette distance verbale. Mimisha, contrainte par le protocole, l'avait toujours respectueusement appelée Princesse Zélé. L'aurait-elle affublée d'un surnom si elle en avait eu la permission? Zélé se devrait de lui demander lors de leur retrouvaille. Elle espérait qu'il serait de retour avant Mimisha. Cela lui causerait certainement trop de peine de découvrir qu'il ne l'avait pas attendu pour organiser leur expédition. La princesse pourrait toujours lui parler avec son hologramme si l'humaine rentrait en palais, mais elle ne serait pas dupe. Derrière l'image de Mimisha, celle de Goba se dessina. Zélie l'avait laissée seule dans l'oasis. Elle pensa seulement maintenant qu'elle aurait dû amener Chitral, le boboco de Mimécha, dans l'oasis, plutôt que de filer aussi vite, le laissant sans compagnie. Goba risquait de se sentir abandonné ou perdu. Et quand il était petit, Zélie avait été témoin de ce que cela pouvait avoir comme effet sur son organisme. Mimécha était adulte, et malgré ses angoisses, elle ne courait aucun danger au sein du comète, alors que Goba était anxieux et avait déjà subi un traumatisme. Zélie s'en voulut, plus que tout, de ne pas avoir davantage été capable d'envisager cela. Zoku lui tendit les pilules semi-sédatives qu'il lui avait réservées. Il savait qu'elle ne pouvait se permettre de s'endormir entièrement, elle devait rester en mesure d'accomplir ses tâches officielles sur le Rézarque. La princesse les prit dans sa main et eut un léger sourire amer à la pensée qu'elle ne pouvait s'offrir le luxe de ne pas rêver. Assurément, elle serait pourchassée par des tourments de ses réflexions à propos de Mimécha et de Goba. Ils avalèrent leurs pilules sédatives et alimentaires, après s'être bien blottis dans leur siège, et allèrent rejoindre Romain dans un sommeil profond, qu'aucun événement extérieur n'aurait pu perturber. Les jours restants du voyage, les yeux clos de leur corps endormi ne purent contempler le point brillant vert qui était Nikéas, et le voir grossir de façon de plus en plus flagrante dans les dernières heures. À leur réveil, la planète occupait tout l'espace devant le vaisseau. Zoku fut le premier à sortir de sa longue phase de sommeil, reprenant ses esprits aussi vite que s'il n'avait effectué qu'un simple somme. À peine eut-il ouvert les yeux qu'il lança une analyse du sol de la planète via le tout dernier scanner dont il avait fait l'heureuse acquisition. Le temps que la procédure prit fin, Zélie s'éveilla, activa son dossier pour revenir en position verticale et resta inerte, les yeux fixés sur l'astre qui leur faisait face pendant une douzaine de minutes. Une barre de protection illuminait le cadran du scanner pour indiquer l'état d'avancement du calcul. Une fois complétée, la barre disparut et la fin de l'analyse fut accompagnée par un bip sonore qui eut pour effet de ramener l'esprit de Zélie dans le cockpit. « Zoku, qu'est-ce que c'est ?»« Princesse Zélie, les résultats du scanner de la planète. J'ai lancé une analyse peu de temps avant votre réveil. »« Zoku, alors, qu'est-elle indiquée ?»« Princesse Zélie, rien. Roche, cailloux, absence d'eau ou de vapeur d'eau. »« Zoku, autrement dit, la même chose que dans la simulation. »« Je suis certain que c'est chez moi. » Je n'abandonnerai pas cette idée tant que nous n'aurons pas mis les pieds sur son sol pour le constater de nos propres yeux. Zélie et Zoku n'eurent pas à se retourner. Ormain s'était libéré de son siège et était péniblement appuyé au dossier de leur siège, encore plongé dans une semi-léthargie, essayant de lire ce qui était affiché sur le tableau de bord du vaisseau et que Zoku traduisait comme synonyme d'une terre inhospitalière. Zoku, sommes-nous venus pour rien? Nous ne pouvons atterrir que si l'atmosphère est viable. Ton vaisseau n'est pas fait pour une atmosphère chargée en dioxyde de soufre ou en acide sulfurique. Une grande déception qu'elle ne cherchait pas à dissimuler pouvait s'entendre dans la question de Zélie. Elle savait qu'elle aurait dû plutôt se réjouir à cette idée, car si la planète était bel et bien morte, l'honneur de la reine demeurait sauf, et Orbain resterait encore avec elle. Mais la culpabilité de sa pensée égoïste commençait à la ronger trop pour qu'elle continuât à se persuader qu'elle avait raison d'agir ainsi, et il lui sembla que la découverte d'une activité sur Nikéas était plus importante à ses yeux que de garder Orbain captif à ses côtés. Mais souhaitait-elle vraiment trouver le monde exploité qu'Ormain décrivait ici dans son système solaire, tout près du Pléas? Plus que le fait de garder Ormain pour elle, ce qui lui demandait envie de ne rien trouver sur cette planète, Nikéas, à part des cailloux, de la poussière et l'atmosphère irrespirable, c'était qu'elle ne voulait surtout pas qu'une dictature existât. Il était impossible qu'un autre monde fût tenu secret, ceci était contraire aux idéaux du comète. Zoku ouvrit la trappe de la soute et dégagea les bagages entassés sans ménagement, pour atteindre une de ses affaires personnelles compressées au fin fond du petit réduit. Ses doigts se refermèrent finalement sur la poignée d'une lourde caisse noire qu'il eut du mal à tirer vers lui. Il dut s'y reprendre à plusieurs fois avant d'être en mesure de l'extirper. Il emmena la caisse dans le cockpit, en la faisant glisser sur le sol plutôt qu'en essayant encore de la soulever. Assis à nouveau sur son siège de pilote, il haletait et reprit son souffle. Il devait avoir fourni le plus gros effort physique de sa vie. Amusé de la situation, Zélie ne put se retenir de le taquiner. « Zoku, pourquoi ne pas avoir réduit la gravité si cette caisse est si lourde ?» L'effort l'ayant déjà fait rougir jusqu'aux racines de son cuir, Zélie ne put voir le visage de Zoku changer de couleur sous l'effet de sa remarque. Mais ses yeux le trahissaient. Elle voyait qu'il se sentait idiot de ne pas avoir pensé à réduire la gravité artificielle. Il appuya avec le bout d'une griffe sur le bouton de démarrage, ce qui eut pour effet de faire clignoter une fraction de seconde toutes les diodes de l'appareil. Puis elles s'éteignirent, et quelque temps après, uniquement certaines s'allumèrent et demeurèrent ainsi. Un écran de contrôle vert, avec des indications écrites en surbrillant, s'activa. Il affichait un schéma de sphère en trois dimensions, et deux autres petites sphères, dont une éclatée, qui gravitait autour de la grosse. C'était une représentation de Nikéas et de ses deux satellites naturels. Zoku, qu'est-ce que c'est? Princesse Zélie, un vieux scanner que j'ai créé il y a des années. Zoku, ne viens-tu pas de déjà effectuer une analyse? Sans répondre à la question que Zélie venait de lui poser, Zoku lança l'analyse et la grosse boîte noire se mit à trembler sous l'effet du ventilateur interne qui refroidissait ses circuits sujets à une surchauffe précoce. L'envoi et la réception des ondes d'analyse furent aussi rapides que le scanner dernier cri qui avait servi à la première analyse. Mais l'affichage des données prit bien plus de temps. À la réception des ondes de retour, l'appareil indiqua qu'il venait de les récupérer et que l'analyse était lancée. Une part de progression était apparue et pendant plusieurs minutes, l'appareil cessa tout bruit. Plus aucun grattement provenant de son système n'était audible et le ventilateur lui-même s'était arrêté, l'écran s'était figé et la barre de progression restant à zéro. Zoku ne savait s'il devait relancer la vieille machine qui pouvait être sujette à un caprice, depuis le temps qu'elle n'avait pas servi. Mais finalement, tout se remit en marche soudainement. Les bruits de la boîte avaient cessé d'émettre, reprirent et s'amplifièrent et l'analyse se mit en route. Derrière la barre de progression, des chiffres et des codes défilèrent. Une couleur vint remplir l'espace vide de la barre petit à petit. En attendant la fin du calcul, Zélie se tourna vers la pare-brise de la Jingo et fixa Nikéas d'un air suppliant, comme si le fait de la regarder ainsi pouvait changer sa condition de planète morte en planète porteuse de vie d'une civilisation asservie. Ou l'inverse. Obtenir l'assurance que cette planète était bien morte était tranquillisant. Mais trouver la vie, un tout nouveau monde sur l'unique autre planète du système Réas, n'était-ce pas encore plus merveilleux, même si une injustice s'y perpétrait? Princesse Zélie Ormaïne, c'est fini! Zélie se jeta au pied de la boîte noire, pour fixer l'écran et les données qui venaient tout juste d'être retournées. Elle ne s'enquit pas immédiatement des conclusions que Zoku pouvait en tirer, elle voulait être capable de faire elle-même son pronostic. Mais ce ne fut pas le cas, elle ne comprenait même pas ce qu'elle disait. Les données étaient affichées sans légende et les unités ne l'aidaient que peu. Aucun regard vers Ormaïne n'était nécessaire, la princesse savait qu'il était tout aussi interdit qu'elle, voire plus. Le Rezark ne lui était d'aucune utilité comme elle ne savait pas quoi chercher. Demander à Zoku ce qu'il tirait des résultats l'agaçait. Elle avait l'impression d'être une parfaite ignorante à côté de lui, alors qu'elle était implantée. Elle ne sut jamais s'il avait deviné sa gêne ou s'il avait pris pitié d'elle, ou s'il venait simplement de terminer son analyse personnelle, mais il agit sans qu'aucune question ne se fût posée. Il pianota quelques instants des commandes sur le clavier, qui traduisirent les chiffres retournés en graphiques, courbes et diagrammes, rendant la lecture limpide. Zoku lut, à haute voix, chaque analyse, devinant qu'Ormaïn ne serait peut-être pas plus avancé. La température moyenne au sol calculée était de 30 degrés Celsius. L'atmosphère filtrait les ultraviolets et les infrarouges. Sa composition était parfaitement identique à celle du Pléas. Des blocs de terre émergés abritaient la vie, et quatre continents distincts se dessinaient ainsi que de très larges îles et la surface des océans, eux aussi porteurs d'êtres vivants. Des banquises gelées composaient les pôles nord et sud. Je l'avais dit. Ormaïn scrutait la sphère qui leur faisait face, en espérant y reconnaître son monde d'origine en vain. Il avait trop de mal à s'imaginer que ceci était là, un grain de poussière dans l'univers, et qu'il ignorait jusqu'à l'aspect extérieur de sa planète quelques mois plus tôt. Tu avais raison, c'est... Le menton posé sur l'épaule d'Ormaïn, elle admirait avec lui ce paradis perdu. L'air désolé que Zélie avait porté sur la sphère à la première annonce de Zoku s'était métamorphosé en un émerveillement total, comme si l'aspect de la planète avait changé sous la simple formulation qu'elle portait la vie. La princesse avait l'impression qu'elle pouvait déjà voir des créatures marines nager dans les profondeurs infinies des océans que ses yeux commençaient à distinguer et que des êtres terrestres bondissaient sur de longues étendues de verdure. Elle posa la question avant qu'Ormaïn ne pût le faire. Zoku, pourquoi la première analyse n'a-t-elle rien donné? Princesse Zélie. Parce qu'il n'y a que ça de vrai, une bonne vieille technologie artisanale. Si les simulations du Rezark sont fausses, il y a toutes les chances pour que cet appareil du comète se trompe également. Zoku, que les simulations soient fausses est une chose, elles sont programmées uniquement selon les données recueillies. Je veux dire par là que les programmeuses ne se sont pas rendues sur place pour tout retranscrire, mais comment les données directement recueillies peuvent-elles être erronées? Cela veut-elle dire que si tu prenais ton scanner et lui faisais analyser Upléas, il indiquerait ainsi qu'elle est incompatible avec la vie? Princesse Zélie, c'est une bonne question. Elle serait intéressante de tenter l'expérience à notre retour. Je vois où vous voulez en venir, et la seule hypothèse que je pourrais émettre serait que l'appareil a comparé ses propres analyses avec celles du Rezark, et y trouvant un trop gros écart, a retourné les officiels. Zoku, pourquoi cela? Princesse Zélée, pour ne pas retourner de valeur fausse au cas où elle y aurait eu un problème dans son système. Zoku, c'est absurde. Et toi ne peux pas avoir accès aux premières analyses? Princesse Zélée, cet appareil ne m'est pas assez familier pour que je voie répondre. J'avoue que cela me déroute autant que voix. Davantage de questions se formaient dans la tête de Zélée et la plupart concernaient le comète. La seule personne de confiance qui aurait pu l'aider était Zoku, et il était tout aussi désemparé qu'elle dans cette histoire. La caisse noire continuait d'affiner ses résultats, et après la composition de l'atmosphère, des données sur des espèces de plantes et animaux arrivaient. La princesse ne trouvait pas ses mots. Sa joie était d'une telle ampleur qu'elle en avait la parole coupée. Des larmes roulèrent le long de ses joues et elle se releva pour regarder la masse qui apparaissait dans l'espace. Bientôt, il serait suffisamment près pour ne plus être en mesure d'admirer la planète dans son intégralité. Oui, c'était mieux ainsi. Peu importait ce qui se passait au sol, il était préférable que Nikéa soit vivante plutôt que morte. Ils n'étaient plus seuls dans leur coin reculé de la galaxie. Princesse Zélée, il n'y a pas qu'une vie primitive là-dessus. Il y a aussi une vie développée. Si nous ne voulons pas nous faire repérer, je recommande d'effectuer notre descente via le pôle sud. L'activité y semble nulle. L'habitat d'Ormain est situé dans l'hémisphère sud et nous survolerons l'océan, bien loin des côtes, la majeure partie du trajet. Nous aurons plus de chances d'échapper à tout radar éventuel. J'ai déjà un excellent brouilleur de mon invention et j'ai enclenché le camouflage. Mais elle vaut mieux être prudente. Zoku avait parlé en pointant du bout de sa griffe écarlate leur futur trajet sur le planisphère, retourné par l'analyse. Zoku, tu as raison, fais au mieux. Je te fais confiance. Princesse Zélée, Ormaïn, nous allons amorcer notre descente. Je vous conseille de prendre place et de bien vous sangler. Sans se faire prier davantage, la princesse et le Nikéen s'assirent dans leurs fauteuils respectifs et verrouillèrent leur harnais de sécurité. Terminé le voyage et les suppositions, l'aventure commençait pour eux. Ils allaient voir de leurs propres yeux un monde tenu secret. Ils allaient découvrir de quoi était capable une atmosphère identique à celle de leur planète si familière Upléas, quand elle n'était pas autant exposée à la chaleur de son étoile. Upléas n'avait ni forêt, ni prairie sur sa surface, et ses quelques océans et rivières étaient souterrains. Tout cela existait en abondance ici. Ce n'étaient pas les graphiques affichés sur l'écran de la caisse noire qui le disaient, c'était le bleu de l'eau et le vert des végétaux qui s'offraient à eux au travers du pare-brise de la Jingo. Les chocs de l'entrée dans l'atmosphère se firent sentir. Le pilotage se faisait à l'aveugle, Zoku ne faisant qu'échanger avec l'intelligence de bord. Bien que sa tête pesât lourd et qu'elle tentât d'encaisser les à-coups, Zélée essayait de se retourner vers Ormaïn pour voir s'il supportait l'atterrissage. Mais pourquoi l'aurait-il vécu moins bien qu'elle, après tout? Le peu de fois qu'elle avait quitté Upléas dans sa vie, c'était d'abord de vaisseaux de haut standing avec des pilotes chevronnés aux commandes. Au contraire, Ormaïn avait déjà effectué un voyage interplanétaire dans les pires conditions, cela lui donnait un avantage. Mais il avait été inconscient pour la dernière partie. Alors peut-être était-il ex aequo en fin de compte. Quand la Jingo fut suffisamment près du sol et que l'épaisse couche de nuages se dissipa, un paysage blanc, sans relief et s'étalant à perte de vue s'offrit à leurs yeux. Le ciel lumineux épousait le sol gelé et la ligne d'horizon se distinguait difficilement dans ses subtiles nuances de blanc. Des petits points du même blanc, lumineux et réfléchissants, venaient s'écraser par centaines sur le pare-brise du vaisseau, pour fondre aussitôt et glisser vers l'extérieur sur la surface incurvée. Zélée avait les yeux écarquillés d'émerveillement. Elle savait ce que c'était, car on lui avait enseigné tous les phénomènes météorologiques, et qu'elle avait visité en simulation suffisamment de mondes différents pour avoir expérimenté chacun de ces phénomènes. Cependant, tout ce que les visites virtuelles avaient pu traduire dans son cerveau comme sensation n'était rien comparé aux frissons qui la parcouraient maintenant que c'était devant ses yeux. « C'est de la neige ?» Elle le souffla plus pour elle-même, mais Zoku et Ormaïn l'entendirent et sans le savoir, ils firent la même constatation. Quand Zélée se parlait à elle-même, réagissait instinctivement, elle n'utilisait pas sa langue maternelle. Elle parlait le Nikéen. Fin du tome 1.